Mercredi, vers 17h50, un accident de la circulation a eu lieu à Beuvry-la-Forêt, se terminant par le décès d'une fille de 18 ans et des blessures apparemment graves pour sa passagère âgée de 19 ans. Malheureusement, Caroline, originaire de Somain, devait décéder de la suite de ses blessures au cours de la nuit. On a la poisse, mais qui nous veut du mal dans ce monde malsain. Nos textes pleurent la mort à chaque coin de rue. On perd nos proches de jour en jour, chaussée à double voie. Dérapage, perte de contrôle, on meurt à tout âge. Le lendemain, on t'apprend que c'est une personne que t'as fréquentée. Sur tes bras, la chair de poule apparaît. Les larmes se mettent à couler, part en deuil puis en avant. Le cercueil sort progressivement de la maison. On n'a pas le droit de mourir à cet âge, à tort et à raison. À l'église, Dieu l'a rappelé pour une nouvelle vie aux cieux. Demande à tout le monde de garder une bonne image de Caroline. À tous ceux qui sont partis sans moi, mon big scène, l'encre coule pour le fait divers. La vie s'enfuit mais mon cœur ne t'oublie pas. Mon big scène, l'encre coule pour le fait divers. On s'éternise sur des photos avec le temps. Prends conscience qu'elle sera plus des nôtres. J'espère que l'au-delà existe réellement. J'ai beaucoup de personnes à saluer. Mes grands-parents, mon oncle. Alors je partirai à leur rencontre le plus tard possible si Dieu le veut. Croire à la réincarnation, c'est affronter une nouvelle vie loin de sa famille. Attention, Satan nous martyrise à la recherche d'un nouvel univers. Muni d'une tunique rouge et d'une faux, il faut se battre pour aller au paradis. Même si les places sont chères, faut rester positif. Vive pour mourir, toujours le même combat. Demande aux jeunes d'affronter la vie, faire face aux problèmes. Le suicide ne résoudra pas les dilemmes. Des gens demandent la vie, d'autres préfèrent se donner la mort dans des conditions déplorables. Veines mutilées, balles dans la tête. Les jeunes sont plus dans leur basket. Je pense à tous ceux qui sont partis sans moi. Au big saigne, l'encre coule pour le fait divers. La vie s'enfuit et mon cœur ne t'oublie pas. Au big saigne, l'encre coule pour le fait divers. Tu sais, je veux pas mourir, l'adrénaline monte à chaque fois que je parle de mort. Au fur et à mesure des années, mon corps s'est fortifié. Je veux pas passer sur le billard qu'on vide mon sang. Bistouri, scalpel, autopsie, on est obligé de passer par là, je sais. J'ai tellement de rêves, la vie c'est ainsi, on touchera pas l'infini. Faut que je prépare un discours, je sais pas ce que je vais dire devant Dieu. J'ai peur d'être à court d'idées, veuillez m'excuser. On peut pas contrer le destin, la vie c'est programmé. De A à Z sur le clavier, AZERTY t'avertit. Ma cervelle c'est du 2-3 gigas. Prends conscience mon gars, mon champ visuel plus étendu qu'un logiciel. La peine reste universelle. Des fois je regarde le ciel et les étoiles. Je me demande si notre vie est des hommes d'une autre couleur. Un voile reste dans mes pensées, mais j'ai pensé que je les rencontrerai dans un autre univers. Peut-être j'ai de l'imagination au micro, comme Rimbaud bout de sa plume. Toujours la même création vers sonner. Alors me dites pas que le hip-hop c'est pas de la poésie, mais de la musique en toc. Je pèse mes mots pour éviter tout quiproquo. On n'est pas des délinquants, on veut juste faire sonner nos couplets avant que le glas se mette à sonner. Je pense à tous ceux qui sont partis sans moi. Mon pic saigne, l'encre coule pour le fait divers. La vie s'enfuit mais mon cœur ne t'oublie pas. Mon pic saigne, l'encre coule pour le fait divers.